LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Médecine rurale dans le Cantal. Aujourd'hui, travailler avec la maladie mentale. Par Antoine Tricot et François Test. Le château, donc, c'est un bâtiment qui est entièrement en rénovation. En bas, donc là où on va pas du tout, c'est ce qu'on appelle la vallée. C'est une structure toute neuve, donc avec les normes actuelles pour accessibilité handicap et des espaces de vie qui sont importants. Et là, on va donc se diriger vers deux lieux de vie, le lazaret et le home. Et là, il est 7h du matin. Là, c'est l'heure du lever, donc on va donner les médicaments, le petit déjeuner, aider aux douches s'il y a besoin, et voir un peu comment ça s'est passé pendant la nuit. Au-dessus de notre tête, les corbeaux se bagarrent dans les tilleuls. Bonjour. Au fond de l'allée, le château d'Olmé, un austère manoir de pierre grise, à la toiture noire, construit à la fin du 19e siècle. On attaque par là, parce que c'est ici en fait que sont réunis le café et... Donc ça, c'est le bâtiment du lazaret, c'est ça ? C'est le lazaret. En face, le versant sud de la vallée de la Serre s'embrase dans le soleil matinal. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà les médicaments. Merci Sylvie. Le matin, distribution de ceux à quoi ils n'ont pas accès en fait. On ouvre le café, on ouvre les frigos. D'abord ça. Donc après, distribution en même temps des cachets. Dans les années 70, un groupe de jeunes éducateurs un peu hippies avait trouvé refuge au château d'Olmé, dans le Cantal, à 20 km au nord d'Aurillac. Ils y expérimentaient une nouvelle forme de prise en charge de la maladie psychique. L'heure était à l'ouverture des hôpitaux psychiatriques, il fallait faire sortir les patients des asiles pour les intégrer dans la société. Le château d'Olmé était alors tout indiqué pour proposer aux résidents des activités et un travail adapté à leur maladie, plutôt qu'un environnement fermé et médicalisé. L'aérium qu'il abritait jusqu'alors avait été déserté par les orphelins de l'armée pour lesquels il était réservé. Ils furent donc remplacés, en 1972, par des adultes du département, souffrant de troubles psychiques stabilisés. Depuis, l'évolution du foyer d'Olmé suit le cours des acronymes chers à la profession. De CAT, Centre d'aide par le travail, il est devenu un ESAT, Établissement et Service d'aide par le travail. Mais peu importe le nom, pour qu'une personne sortant de l'hôpital y soit acceptée, il fallait, et il faut toujours, qu'elle puisse travailler, à sa mesure, et selon la liberté que lui laisse sa maladie. C'est vraiment important, parce que c'est pas se tromper dans les piluliers. Tu veux tout d'un coup ? Quelque chose après la douche. Après la douche. C'est bien, cette petite manie. Quelque chose après la douche. Ouais, d'accord. De ce côté, on n'est pas embêté, parce que tout le monde prend ses cachets facilement. On va voir qu'après, de l'autre côté, c'est pas toujours le cas. Donc le petit déjeuner, c'est de quelle heure à quelle heure ? De 7h à 8h, en gros. Parce que normalement, ils prennent le travail à 8h30. Après, il peut y avoir des retardataires qui sont là après 8h. Mais c'est vrai que du coup, ça reste compliqué de pouvoir être au travail à temps. Mais il y a vraiment des personnes, je ne sais pas comment ça se passe ce matin, mais qui peuvent avoir beaucoup de mal à se lever. Parce qu'il y en a, ils ont quand même des gros traitements. Et le matin, ça peut nécessiter de monter 3-4 fois pour les lever. Quoi. Vous ne savez rien, s'il vous plaît. Ça n'empêche pas qu'ils soient là. Bon. Vous ne savez rien, s'il vous plaît. C'est pas parfait, hein. C'est pas parfait. C'est la peinture. Sans la peinture. Sans la peinture ? Ouais. Un peu. Seul. Sylvie Malroux, vous êtes aujourd'hui chef de service du foyer d'Olmé. Et quelle est la singularité du foyer et de l'ESAT d'Olmé dans le département aujourd'hui ? Donc le foyer d'Olmé, aujourd'hui, c'est 43 personnes accueillies. 31 personnes qui sont hébergées sur le site, dans trois lieux de vie. Donc le home, le lazaret et la vallée. Et 12 personnes donc, qui sont suivies en appartement, sur Vic-sur-Serre. Appartement dispatché dans Vic. Hein. Ils ne sont pas tous regroupés, justement, pour ne pas être stigmatisés. Donc le public accueilli, c'est essentiellement des malades psychiques. Schizophrénie, maniaco-dépressif et troubles du comportement ou de l'humeur qui arrivent des services de psychiatrie d'Aurillac et de Saint-Flour. Ils sont encadrés par une équipe de 10 personnes au niveau de l'internat, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs et AMP, aide médico-psychologique. Nous avons la présence d'un médecin psychiatre une demi-journée par semaine, une infirmière qui est là à 80%. Foyer d'hébergement, c'est aussi des activités de loisirs, qu'elles soient sportives, culturelles. Donc les éducateurs, sur les temps d'internat, donc 17-22 heures, accompagnent des résidents dans des clubs de sport ou proposent des activités eux-mêmes. Il n'y a pas de portail au foyer d'Olmé. Il y a des gens qui habitent en appartement à Vic-sur-Serre. Pourquoi c'est important justement d'ouvrir ce lieu sur la ville qui l'accueille? Déjà pour répondre à la liberté d'aller et venir de chacun. C'est un droit pour tous de pouvoir aller et venir. Viennent à Olmé les personnes qui ont envie de venir. C'est d'abord les services de psychiatrie qui nous contactent, la personne vient visiter. Si elle se plaît, elle vient faire un stage. Si le stage se passe bien, on fait en sorte qu'il y ait une place. Donc, pas la nécessité d'avoir un portail, puisque les personnes peuvent aller et venir. Et si la personne en a marre d'être ici, elle vient nous le dire, elle nous le signifie, et on peut mettre fin à sa présence ici, avec son accord. Tout en trouvant, bien sûr, des solutions pour l'après. Généralement, ça se passe plutôt bien. On a juste vraiment Christian, il faut vraiment faire attention à la prise de cachet. Donc là, il y a une première prise, et après, on doit lui donner des gouttes qui ont un goût extrêmement mauvais. C'est délicat pour qu'il les prenne. Donc ça dépend des matins. Ça peut être tout pour rien. C'est bon ? Je vais réveiller. Donc là, je vais vraiment me réveiller. Les affaires et après j'irai voir les garçons en face. Ouais, d'accord. Je vais à la douche, moi. Ouais. Vous devez des cigarettes ou. Alors, les cigarettes, ça dépend en fonction des protocoles. Laurent, il a 5 cigarettes le matin et 5 à midi et le soir, non? À midi et le soir. Parce que là, je faisais des paquets de 30 dans le week-end. Alors. Il a souvent des paquets par jour de 30. Vous arrêtez pas. Je m'arrêtais pas. Celui-là. Non plus, Richard. Et vous êtes là depuis quand? Moi, ça fera 5 ans à la fin de mai. Vous êtes arrivé pourquoi? Ah, parce que j'avais eu des problèmes d'alcool. Voilà, des gros problèmes d'alcool. J'étais venu là. J'avais fait de l'hôpital pour l'alcool, mais ça m'avait rien donné parce que je recommençais à boire. Je reprenais l'alcool tout de suite. Je faisais 4 litres par jour. Bière, vin, de tout. Avec des copains, le premier, et tout seul après. Et à l'hôpital, j'ai fait plus de 2 ans. En sortant de l'hôpital, je suis venu ici. Vous venez d'où? De Mur de Varès, de l'Aveyron. C'est à combien de kilomètres d'ici, à peu près? Oh, c'est pas si loin que ça. Si tu vois ces arbres, là, eh bien, c'est plus loin. C'est cette direction qu'il faut prendre. Votre famille habite là-bas? J'ai de la famille qui habite dans l'Aveyron. Après, j'en ai à Aurillac, à Arpajon, dans le Doubs, à Paris. Elle vient vous voir, votre famille? Non, jamais. Vous n'avez pas forcément... Enfin, j'ai ma cousine que je la vois et mon cousin que je les vois. Mes deux petites cousines, parce qu'ils jouent dans le même groupe que moi, de danse. Alors. Vous faites de la danse? fait de la danse folklorique. Bourrée, valse, scoltige, polka. J'ai commencé à apprendre à 8 ans. Et le foyer, c'est pas difficile de vivre tout le temps en collectivité? Ah si, surtout pour moi. Bon, j'ai pas tellement la... j'ai pas l'habitude. Non. Et vous travaillez également à l'ESAT en bas, aux ateliers? Non, ici. À la lingerie. Et j'ai déjà été en cuisine pour travailler aussi. Et je travaille à la lingerie. Il faut que... Sylvie Malroux, pourquoi c'est important de faire travailler les patients atteints de maladies psychiques? La maladie psychique vous coupe un peu quand même de tout, hein, de tout ce lien social, de tout. On est déconnecté quand même de la vie. Et le fait de pouvoir travailler, c'est redonner confiance à la personne, travailler sur son estime de soi, revaloriser son image et le sentiment d'utilité. Parce qu'il y a une perte de ce sentiment-là pour ces personnes-là. Une serviette, moi. On peut le lire avant, peut-être, non? Ça aurait été plus facile. Non. Tu vas aux toilettes? Non, pas. Tu veux pas? Non. On fera tout à l'heure. Traite-moi. Non. J'en ai marre, c'est caché. C'est un larmier ou quoi? Mais là, on m'en a rajouté pour faire une impression. C'est couché qu'on m'en a rajouté. Qu'Alex s'est levé, donc on va aller voir. Café heureux, s'il te plaît. Qu'est-il? Le café heureux, s'il te plaît. Oui. Si tu veux, prendre le café. Et vos parents sont encore en vie? Non, ils sont décédés. Ils faisaient quoi? Agriculteurs. Et quel type d'agriculture? Ils avaient 50 vaches. Ils faisaient les aubrages de l'Aveyron. Il faisait du fromage? Le lait, mais il faisait pas le fromage. Ah si, il faisait le fromage, oui, avec ses parents. Mais après, deux fois que mon père il a pris la ferme avec ma mère, il faisait plus le fromage. Vous aimiez bien la ferme? Pas bien, c'est pour ça que... Pourquoi vous aimiez pas? Parce que les vaches et tout ça, moi, c'est pour qu'on... Non. J'ai jamais aimé la ferme, non. Vous auriez aimé faire quoi comme profession? Ah, moi, je voulais rentrer dans la gendarmerie nationale. Pourquoi? Et parce que bon, je suis pas assez... Vous êtes pas assez grand? Je suis pas assez grand, oui. Vous auriez pas continué la ferme de vos parents? Non. Quelqu'un l'a continué? Ça s'est vendu. D'un coup, ça s'est vendu. Et vous étiez triste quand ça s'est vendu? Non, au contraire. Ça passe. Il est où? On va partir à la recherche de quelqu'un. Il est dans sa chambre. Si je vois que ça paraît que c'est un apaisant. Une personne normale dégoûte, ça fait d'ailleurs pour la journée. Lui, il en prend 50 le matin, 50 le soir. Lui, il est schizophrène plus, et ça a tendance à s'aggraver en vieillissant. C'est rare, mais ça arrive. Je vais essayer de monter chercher Christian. On peut le suivre si vous voulez. Je ne sais pas si ça va donner. Je ne sais pas s'il est là. C'est une brique opéra qui sont parfumées. C'est plus une brique opéra. Jean? Aujourd'hui, on sédate quand même moins les personnes. Hein. On a un médecin psychiatre présent sur le site et il veille quand même à ce que les personnes ne soient pas sédatées. déjà pour qu'elles puissent travailler, mais aussi pour qu'elles soient bien aussi dans leur peau, on va dire, tout en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas trop de conséquences de leur pathologie sur des hallucinations ou sur des paranoïas. Après, la thérapeutique, les molécules ont bien sûr évolué. Hein. Aujourd'hui, les personnes schizophréniques que nous accueillons sont sous l'Eponex. Et c'est une molécule qui a bien enrayé toutes les productions au niveau du cerveau qu'ils peuvent avoir. On essaie ? Ouais. Je te la pique quand t'auras mieux. Comme d'hab, Christian, tu sais bien. Tu sais bien que ça ne t'aime pas, ça, c'est pas bon. Ouais. Ça te fait du bien, quand même. Ça fait vite cloche, mais bonjour Caroline. Bonjour. Vous travaillez à l'ESAT d'Olmé sur l'atelier cuisine depuis combien de temps ? Ça va faire 20 ans. C'est un atelier qui me correspondait bien par rapport à les problèmes que j'ai. Ça va, ça me permet d'être concentrée sur quelque chose et éviter des moments des fois que je peux avoir difficiles. Donc en même temps ça me distrait, ça... Je sais pas, ça me sécurise et puis disons que non. Moi, je trouve que honnêtement, globalement, je pense que on se fout pas de nous. Je trouve au contraire qu'on a quand même un certain respect. Mais après, y a des choses peut-être qui pourraient être peut-être évitées. Mais bon, on peut pas tout non plus. Comment vous dire? On ne peut pas tout non plus gérer, quoi, je veux dire, on n'est pas parfait. Vous êtes arrivé il y a 20 ans à l'ESAT. Oui. Pour quelles raisons ? Moi, j'avais des problèmes de santé très très tôt, déjà à l'adolescence. J'ai fait quelques hôpitaux. Et puis, voilà, ça a été long. Tout a été long et difficile. Disons que j'ai eu un trouble du comportement, disons. Quand j'étais jeune, j'avais 16 ans. Je suis tombée malade à 16 ans. La façon de réagir, la façon de me comporter, voilà, avec les autres, avec les gens, avec moi-même, j'étais complètement dehors, quoi. J'avais vraiment, vraiment, j'avais aucune responsabilité, je faisais n'importe quoi, je me rendais compte de rien. D'ailleurs, le psy, quand je suis tombée malade, la première fois, s'est pas gêné pour dire à mes parents que Caroline commençait une grave maladie mentale. Peut-être une schizophrénie. Une fragilité. J'étais pas du tout dans le temps, quoi. J'étais pas dans la réalité du tout. Salut. Ouais, ça a été, tout a été difficile. Tout a été difficile. J'aimerais bien me rattraper. Par contre, Olmé, par rapport à tout ce que j'ai vécu, parce que c'est vrai que la vie d'hôpital, c'est difficile aussi. Les postes cures, il y en a des plus ou moins bien. Olmé, bon, voilà quoi, on ne peut pas trop exagérer, trop se plaindre. Moi, je me présente, je suis monsieur Lamoureux Patrick. D'accord ? Donc, je suis responsable de la cuisine. Je prépare mes menus, je fais mes achats, je prévois la marchandise qu'il nous faut en fonction des menus. On travaille sur les menus sur les 4 saisons. Les 4 saisons sont divisées, chaque saison est divisée en 4 semaines. Donc les menus reviennent toutes les 4 semaines, nos menus reviennent. Donc là, il est 8h30, la marchandise vient d'arriver. Et donc là, je dispatche les gens sur les postes de travail. Et on va attaquer le menu du jour qui est aujourd'hui melon. Melon, langue de bœuf avec une purée et en dessert des fraises. Voilà. Et on va préparer aussi le repas du soir. On prépare dans la matinée, on prépare et le midi et le soir. Voilà. Tu mets ça dans une casserole, Patrick ? Tout ça dans une casserole à chauffer, ça. Une fois que ma casserole ? Attends, je vais te les vider. D'accord. Appuyez-la. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Alors moi je suis au poste viande. Donc le repas de midi, c'est les langues de bœuf purée de carottes. Donc là, je déballe les langues de bœuf pour les mettre en four à vapeur. Et on va les faire cuire là dans 10 minutes. Ouais. Je m'appelle Gaël. Je suis en cuisine depuis un an à peu près. Et qu'est-ce qui vous plaît en cuisine ? Un peu tout ce qui est, c'est assez polyvalent. On change de poste tous les mois, donc on fait un peu l'entrée, dessert, viande, légumes, plonge, tournant. Le poste tournant est le plus intéressant puisqu'on peut aider tous nos collègues. Voilà. Et vous résidez sur le foyer ? Je réside sur le foyer pour l'instant, oui. Depuis combien de temps ? Depuis 5 ans. Parce que auparavant j'étais au chômage et j'ai un peu déprimé, donc je me suis retrouvé un peu à l'hôpital. Et suite à mon hospitalisation, on m'a orienté au foyer d'Olmay où je suis très bien. On est très bien encadré, je me plais vraiment. On est dans un cadre vraiment magnifique. Ici la vallée de la Serre, c'est extraordinaire. On a une vue sur la montagne. On est proche du Super Lioran. Donc on a vraiment de quoi s'épanouir. Je vais vous laisser travailler parce que faut pas. Jean, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand moi je suis arrivée en 2010, il y a un monsieur qui est resté plus de 6 mois sans travailler. Parce que voilà, dans sa tête, il y avait des petites voix qui lui disaient qu'il ne fallait pas qu'il travaille. Ben, on a accepté, puis un jour c'est revenu, il est reparti au boulot. Il y en a plein comme ça, voilà. Quand ça va pas, ben on se permet, ben on fait une pause. Bon, je pense qu'on va aller travailler dehors, les deux. Qu'est-ce qu'on pense ? Bon, on m'appelle qui là ? Allez, on a une pelle et une pioche. Ça te dit pas ? Ça te dit pas là qu'on. Bonjour. Moi, ça va pas, j'ai un peu de pas fini, moi, je ne veux pas. Hein ? Non, non, je la descends là. Ouais, hein. J'aime pas la poney, mais moi j'aime pas la poney. Oui, oui, on a compris, t'aimes personne. Allez, c'est bon. Je vais te chercher. Mais il t'a mis quoi comme cachet ? Je sais pas. Hein. Oh, voilà, il t'a mis un M&M's, non ? Il t'a pas mis un M&M's ? Il t'a mis un M&M's, non ? À la place du blachon. Je sais pas. Hein. Oh, moi, je suis pas de bille, c'est vie. Mais je le sais bien que t'es bille. Moi, ça m'énerve, c'est tout. Je suis malade, je suis malade à la tête, je suis pas débile. Mais je le sais que t'es pas débile. Oh, oh, oh. Moi, je veux bille. Non, t'es pas débile. Suivant les minibus qui emmènent les résidents jusqu'à leur travail, nous descendons la route serpentant sur 3 km entre le château, à flanc de montagne, et les ateliers de l'ESAT d'Olmay. Il se situe au fond de la vallée, dans la petite zone industrielle et artisanale de Vic-sur-Serre. Ancienne station thermale à succès, cette petite ville de 1800 habitants vivote aujourd'hui à mi-chemin entre Aurillac et la station de sport d'hiver du Lioran. Au milieu de longs hangars et de tas de palettes, nous retrouvons dans un bâtiment moderne renommé l'an passé les ateliers de la Serre, Alain Chauvet, chef de l'atelier d'Olmay. Je suis rentré dans l'établissement en 1985 en qualité de cuisinier à l'époque. Et donc j'ai progressé au fur et à mesure et je suis chef d'atelier depuis 1998. L'établissement sur lequel nous sommes, là, qui est dans la zone artisanale de Vic-sur-Serre, depuis 2010. Donc sur le bâtiment même, là ici, il y a 4 activités. La picorde, l'apiculture et le montage de cordes, les espaces verts et la menuiserie où on fabrique des nichoirs pour la LPO et du conditionnement où on travaille pour l'usine Piram qui est sur la même zone que nous à Vic-sur-Serre, qui est une usine où ils fabriquent des meubles de cuisine et de salle de bain. Combien de personnes travaillent ici, tant en éducateur et en patient ? Nous sommes éducateurs et moniteurs, nous sommes 13 sur le site, là, tout confondu. Hein. Et sur l'ensemble de l'ESAT, nous recevons 62 personnes pour 52 ETP. ETP, c'est emploi à temps plein. Quelle est l'importance du travail dans leur parcours de soins, Alain Chauvet ? L'importance du travail, c'est d'avoir une reconnaissance sociale, puisque le fait de travailler, ça répond à... aux normes, disons, que la société attend de tout le monde d'avoir un job. Et par le biais de l'établissement, justement, ça permet de l'insertion de ces personnes. Et nous rencontrons pas mal de difficultés compte tenu du tissu économique que nous connaissons sur Vic-sur-Serre. Nous sommes un monde rural Et par rapport à cela, c'est vrai que nous avons de grandes difficultés. Je dois reconnaître qu'il y a 30 ans de cela, il était plus facile aux personnes qui étaient accueillies à Olmé de pouvoir s'insérer dans le monde rural, puisque nous vivons dans un département où le monde rural et la paysannerie est importante. Et à cette époque-là, il y avait plus de place pour ces personnes dans ce tissu, puisqu'on avait besoin de petites mains, de gens qui pouvaient intervenir dans les petites entreprises agricoles, ce qui aujourd'hui est moins flagrant, puisque les entreprises agricoles ont évolué comme tout secteur, et qu'il est de plus en plus demandé aux gens de pouvoir être capable de conduire des engins mécaniques, ce qui n'est pas forcément possible pour la plupart des personnes que l'on reçoit. Jacques Delprat, vous vous occupez ici de l'atelier menuiserie. Est-ce que vous pouvez me dire l'intérêt pour les participants de faire de la menuiserie, de travailler le bois? Alors, personnellement, je trouve qu'on travaille beaucoup sur le sensoriel, en fait, sur la perception de l'objet, apprendre à effectuer le bon geste, c'est-à-dire que le maximum d'efficacité avec un minimum d'énergie. C'est presque un côté obsessionnel, je dirais, que de fabriquer des nichoirs très précis. Mais l'obsession ici, pour certains, c'est quelque chose qui peut être très, très, très prégnant. Et justement, il faut transformer ça en faisant quelque chose d'adapté et qui soit pas aliénant pour eux, en fait. Donc il faut s'adapter à ça. Il faut pas aller contre. Surtout pas, il faut aller avec. Vous nous montrez l'atelier ? Allez. Moi, je m'appelle le père René Cyril. Ça fait 23 ans que je suis au Olmé. J'ai fait 8 ans en cuisine et 4 ans en menuiserie. Et qu'est-ce que ça vous apporte, la menuiserie ? Ben déjà, de travailler déjà avec mes mains, ça me fait du bien déjà. Et vider aussi toute ma tête. Et vous êtes menuisier de formation ? Non. Ma formation, c'est agriculteur. Et pourquoi avez-vous arrêté ? Ben, je suis tombé malade des nerfs. Et suite à ma maladie, c'est pour ça que j'ai intégré dans un ESAT approprié à moi pour que je puisse travailler. Et vous aimiez bien travailler à la ferme ? Oui. Mais si ça sera refaire, c'est un peu dur quand même. C'est un peu dur. Pourquoi physiquement ? Physiquement, le moral, la fatigue, tout accumulé, quoi, c'est... Pourquoi le moral ? Parce que des fois, bon, on n'a pas toujours le moral dans une ferme, vous savez. Quand vous avez une vache ou pas une bête ou un truc comme ça, c'est pas tous les jours marrant, quoi. Et là, la menuiserie, c'est plus évident ? Oui. Pour moi, oui. Alain Ricard, éducateur spécialisé. En 1993, la majorité du public était un public issu de milieux rural, souvent étant passé par des travaux agricoles, ouvriers agricoles, ou étant passé par des familles possédant des petites fermes, des choses comme ça. Et là, actuellement, on s'aperçoit que petit à petit, le public a changé, et le public arrive dans des moyennes d'âge de 30-35 ans. Ce sont des gens du 21e siècle hein, qui arrivent avec leur voiture, leur ordi, leur téléphone. Ils vivent comme tout à chacun. Et donc se pose effectivement la question de qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme travail. Alors il y a deux visions. Hein. La vision d'un ESAT qui met en priorité son assise financière, donc il faut absolument trouver des marchés pour que les ESAT vivent et financièrement soient équilibrés, etc. Il y a une vision qui est un petit peu plus compliquée à gérer, mais qui est à mon avis ce pour quoi on existe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut inventer, offrir, aller chercher comme activité pour que ça soit constructif pour une personne fragile, pour que ça lui apporte quelque chose. Je prends l'exemple de notre atelier, on fait du conditionnement. Il y a des gens qui peuvent passer des heures à mettre 6 vis dans un sachet en plastique. activité qui paraît, ceci dit, pas forcément intéressante, pas forcément passionnante, voire aliénante. On peut se poser aussi la question. Mais nous, on le voit dans le but. On va essayer de mettre des gens qui n'arrivent pas à fixer une attention pendant un temps moyen pour arriver à canaliser des coups de colère parce qu'ils n'y arrivent pas. Voilà, nous, le but, c'est on voit autre chose derrière mettre des vis dans un sachet. C'est juste un outil, c'est pas une finalité en soi, c'est un outil, c'est pour permettre à des gens de se régulariser, enfin de se régler au niveau des horaires, d'avoir un rythme de vie, de pas être complètement désordonné, d'inverser le sommeil le jour, la nuit, et puis après avec des tâches, et bien d'arriver à jouer, enfin les collègues qui sont sur les ruches, d'arriver à dominer des peurs sur l'abeille. L'abeille, travailler avec l'abeille n'est pas là par hasard, il y a eu des écrits sur le travail éducatif par rapport à l'abeille, par rapport au cheval, par rapport. Toutes ces choses-là, normalement, ne sont pas là par hasard. Elles ont été réfléchies, elles ont été... Donc, il faut qu'on arrive à garder ça. C'est-à-dire que quand on invente quelque chose, quand on propose quelque chose aux résidents, il faut que ça ait du sens. C'est pas uniquement, bah, tiens, on va trouver un marché et avec ça, on va pouvoir facturer quelque chose d'intéressant. Il ne faut jamais le perdre de vue, ça, je pense. Nous sommes dans la pièce où les usagers donc, de l'atelier montent des cordes. Des cordes qui sont réservées exclusivement pour contenir les animaux durant le transport. On fait de l'ordre de 10 à 12 000 cordes par an. Il y a beaucoup de gens qui font ça dans le Cantal ? Ah, dans le Cantal, je pense qu'on est les seuls. Comme vous pouvez le voir, ils sont en train de mettre en route la machine. Ce n'est plus ni moins une machine avec quatre crochets qui enroule de la ficelle avec sur un chevalier en face, où il y a une torsion des ficelles qui se fait et la corde prend forme. Donc il y a quatre crochets et quatre torsions. Et au fur et à mesure que la machine se met en route, ça enroule la corde, ça enroule les ficelles. À l'autre extrémité de la machine, l'opérateur insère une olive entre les quatre torons, de manière à pouvoir avancer au fur et à mesure que la corde s'enroule. Et au fur et à mesure qu'il avance, il doit respecter une vitesse de manière à ce que la corde ait la même tension tout le temps. Et donc, de fait, ça induit la longueur de la corde. Et ensuite, donc pour faire la boucle, eh bien Pierre va vous expliquer comment il fait. Ah, ben j'ai un peu l'habitude. Je vois à peu près la grandeur et la grosseur de la boucle. J'entrouvre la corde. Après, je prends un petit outil qui me permet de faire auto-serrant et finir la boucle. Voilà. Et maintenant, je vais serrer ma boucle. Et vous les vendez où ensuite ? Ah ben, ça part un peu partout. Ça part à la foire, à les sacs. Ça part à Montmorillon. Ça part à Clermont, à Généforme. Ça part à Gamvers. Ça part un peu partout. Et à la foire de les sacs, c'est vous qui la vendez ? C'est nous qu'on les vend, oui. On a un petit stand, on le monte, on affiche nos cordes et les marchands de bestiaux, en passant, nous achètent nos paquets de cordes. Et c'est bien d'être à la foire. Ça change un peu de l'atelier. Alain Chauvet, comment faire en sorte que les personnes qui sont accueillies ici travaillent J'imagine que c'est pas toujours évident d'avoir un rythme qui est adapté à leur maladie ou de trouver les manières de les intéresser aussi à une activité économique. Oui, non, c'est pas évident, bien sûr, mais on va dire que si, ils sont quand même portés de bonne volonté. Après, c'est vrai qu'il faut adapter le travail, qu'on ne peut pas leur demander un rendement comme dans le milieu ordinaire. Il faut au quotidien, vous voyez, adapter, parce que, voilà, ils ont leurs propres difficultés, qu'une difficulté d'un jour n'est pas la même que celle du lendemain ou de notre jour de la semaine. Donc, notre tâche essentielle, c'est d'abord de s'occuper des personnes. Et quand on reçoit des gens à Olmé, moi je leur dis toujours, quand ils arrivent à Olmé, ici il y a une chose qui est importante. Certes, il y a le travail, il faut répondre à un travail pour répondre à des besoins financiers, économiques. Mais la principale des choses, quand ils arrivent, c'est que la première des choses, c'est de s'occuper de vous. C'est à vous de vous prendre en charge et de faire en sorte que vous puissiez vous donner du sens à votre vie avec ce que nous, on vous propose, des activités qui sont diverses, mais c'est à vous, surtout, de vous prendre en charge et de s'occuper de vous. Est-ce que vous subissez une pression économique? Est-ce qu'il faut être rentable? Est-ce qu'il faut faire rentrer de l'argent d'une certaine manière ou... Malheureusement, il faut bien reconnaître que de plus en plus, on nous demande d'être autonome financièrement. Et malheureusement, j'ai envie de dire, c'est que par rapport au départ de ces prises en charge d'il y a une trentaine d'années, à l'ouverture de ces établissements, avant on parlait en termes de personnes, en termes de prénoms, de personnes, au niveau de l'accueil des personnes, des gens. Aujourd'hui, malheureusement, les mathématiques ont pris un peu le dessus. Donc on parle en chiffres, en rendement. On parle surtout en chiffres, en rendement, oui, effectivement. Je m'appelle Pierre et je suis à Les Aides d'Olmé suite à une grave maladie de l'âge de 14 ans où en 6 mois j'avais maigri de 17 kilos, ce qui est l'anorexie mentale. Et j'ai pu avoir comme mon BEPC. J'ai pas pu apprendre de métier ni étudier. Vous êtes originaire du Cantal ? Je suis originaire à 5 km de Lézat, à 5 km, un petit village. Vous êtes arrivé à quel moment au foyer d'Olmé ? Je suis arrivé le 5 janvier 2010, où j'ai commencé à apprendre les cordes, les bouchons. Le miel, comme je vous dis que j'ai pas pu avoir beaucoup de diplômes suite à ma maladie, j'ai un peu de mal à saisir ce qui se passe au miel, mais je fais le maximum. C'est important pour vous de travailler ? Oui, parce que je m'ennuierais et qu'à l'ESAT, c'est un métier où on respecte nos maladies, donc on peut travailler à notre rythme. On peut se poser un peu, c'est adapté à ma maladie, voilà. Vous vous y sentez bien ? Je m'y sens à peu près bien, oui. À peu près ? Oui, parce que j'ai quand même la maladie qui me fait souffrir. J'ai des tensions dans le corps, c'est-à-dire que je le ressens dans le dos, dans divers endroits dans le corps, et ça se voit dans le regard quand je suis très tendu. Taraudé, des fois je dis taraudé, rongé. J'ai eu des périodes, oui j'avais des périodes, il fallait que je sois hospitalisé, tandis que les neuroleptiques, je ne le suis plus. Ça taraudé, ça rongé, j'étais plus dans la réalité. Alors, sans les médicaments, je ne pourrais pas travailler. Vous habitez au foyer d'Olmé ? Non, je suis chez moi. J'ai la maison de mes parents. Mais j'ai mon frère qui s'occupe bien de moi. Quand les papiers sont trop difficiles, ne serait-ce faire la déclaration d'impôt, c'est lui qui me l'a faite. Bah, il est comptable, alors... Le week-end, quand il va faire une sortie, il me prend... Voilà. En famille, ça se passe bien. C'est l'heure du café, non ? Je crois, mais j'en bois pas de café, moi. Toi, t'en bois pas ? Moi, j'en bois pas. La pause café terminée, nous passons dans la pièce suivante. Sur une grande table, les travailleurs de l'ESAT alignent patiemment des bouchons en plastique sur des plaques blanches. Elles seront livrées à une usine de flacons de parfum dans la vallée d'à côté. Derrière eux, sur un établi, d'autres glissent consciencieusement des vis, des écrous et des poignées de porte dans des sachets. Ils sont cette fois destinés à l'usine Pyram, juste à côté. Les gestes sont répétitifs et les visages concentrés. Tous travaillent sous l'œil bienveillant de l'éducateur responsable de l'atelier conditionnement, Alain Ricard. Une usine qui est pas très loin, qui est de l'autre côté du quartier, qui est une usine de fabrication de cuisine et de salle de bain. Donc pendant qu'eux, ils fabriquent tout ce qui est caisson de meubles, armoires et tout, mais, ou salle de bain, nous on va leur préparer tout le colis de quincaillerie. C'est-à-dire qu'on va leur préparer les poignées, les boutons, les pieds de meubles, les visseries, tout pour que le monteur puisse accéder au montage. Et tout ça, ça va être stocké sur des palettes. Et une fois par semaine, en gros, on aura une énorme livraison qui se fera. C'est toujours nous qui allons nous déplacer sur l'usine. L'intérêt, c'est que les résidents sont toujours en contact avec les gens de l'usine. Et depuis une collaboration qui a 30 ans maintenant avec l'usine, il y a des liens qui sont créés entre résidents, entre ouvriers de l'usine. Il y en a beaucoup qui sont issus de la vallée, donc qui se connaissent déjà depuis longtemps. Et puis voilà, c'est un lien qui est intéressant, qui les met en contact direct avec le travail ordinaire, quoi, le milieu de... Nous, on travaille quand même avec de la maladie mentale, qui a, mine de rien, une différence essentielle par rapport à du handicap mental ou du handicap physique et tout. C'est qu'on n'a pas de régularité. C'est une difficulté qu'a le tout public, la personne dans lambda, de dire « Mais qu'est-ce qu'il fait chez vous ? Il a l'air tout à fait, entre guillemets, normal. » C'est un mot qu'on utilise très très peu parce que c'est un mot parfois détestable, mais... Mais oui, il a l'air tout à fait normal. Ben non, il a des quantités de potentialités, sauf que sa fragilité, sa maladie psychique perturbe complètement une notion d'attention, une notion de travail, une notion de stress, une notion de... Il y a un poids qui leur pèse et au bout d'un moment, ben, ça peut marcher pendant un mois, deux mois. Et puis pendant une semaine, 15 jours, deux mois, ça peut clasher complètement, quoi. Bon appétit. Vous avez été où? Paris. Ah, de Paris. Paris. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a à manger ce midi? Il y a du melon. Langue de bœuf. Oui, voilà, melon, langue de bœuf pour capturer carottes. Après, je sais pas le dire, c'est des fruits peut-être, je sais pas, une crème. Voilà. Allez, merci. Après, moi je vais un petit peu mieux maintenant, un petit peu mieux dans ma tête, ça va mieux, je me suis arrangée, ça a été dur, j'ai fait beaucoup d'efforts, je suis arrivée, j'ai fait un tas de choses pour m'en sortir, bon maintenant ça va, bon maintenant je suis tirée d'affaire. Après, comme je disais tout à l'heure, quand on est après Olmé, qu'est-ce qu'on a après Olmé? Il n'y a rien qui existe après Olmé. Moi, un travail, ça fait 40 ans, j'ai que le niveau BEP 20. Ça fait 40 ans que j'ai arrêté les études. 30 ans, disons. Moi, je peux plus travailler. Ça faut pas. Je peux pas. Je pense pas trouver un travail comme ça. Faut le faire après le boulot. Il m'arrive d'avoir des matins où j'ai la boule au ventre. Ouais, il m'arrive de bon. Après, bon, je m'encourage. Je me donne un peu de courage en moi-même. Je dis bon, allez, faut bien y aller. Tout c'est ça, le boulot, c'est ça. Faut bien y aller quand même. Vous avez la sensation de gagner correctement votre vie ici? Oh là là, non. Non. Je touche 220 euros par mois. J'ai 80 euros par semaine pour mes commissions. Ça, je m'en plains pas. C'est très bien. C'est par rapport à certains, c'est très bien. Après, tout le monde, non, on le dit tous, que c'est pas beaucoup. C'est vrai que quand même, pour le travail qu'on fait... Moi, en cuisine, je bosse de 8h jusqu'à 5h du soir, pratiquement, avec 2h de pause dans la journée. Je gagne 220 euros par mois. Si on me demande, même vous, quand vous me demandez, est-ce que c'est suffisant, est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup? Je ne peux pas vous dire que oui. Non, ce n'est pas beaucoup. Alain Chauvet, chef d'atelier. Le parti de travail direct, la rémunération directe du travail, c'est 5% du SMIC. Et avec les aides sociales qu'ils reçoivent, l'AAH ou la pension d'invalidité, ça varie en fonction des situations des uns ou des autres, mais ça tourne en moyenne autour de 950 à 1000 euros par personne. En sachant qu'ils sont logés au foyer, c'est une autre prise en charge encore. Voilà. Alors certes, ils ont la possibilité d'être hébergés sur le foyer, mais ils contribuent aussi financièrement à cet hébergement. Ils payent un loyer. Voilà. En quelque sorte, quelque part, ils payent un loyer, oui. Alain Ricard, éducateur spécialisé. Un ESAT, si on sentit un petit peu, enfin vraiment je vais schématiser, mais si on sentit un petit peu la définition d'un ESAT, un ESAT c'est un tremplin pour des personnes qui n'étaient pas en situation d'être dans du travail ordinaire, c'est un tremplin pour pouvoir accéder au milieu du travail ordinaire. J'ai 26 ans de boulot, j'ai connu 2-3 personnes qui ont pu accéder, avec des statuts quand même particuliers au sein des entreprises, mais avec des contrats spécifiques dans des entreprises, on peut être embauché. Donc il y a quand même, faut être assez prudent avec ça. Après, le débat qu'il y a au niveau éducatif, c'est de savoir est-ce qu'il faut toujours tirer les gens vers le haut. Il y a des gens, enfin, ça c'est mon opinion vraiment personnelle, hein. Il y a des gens qui à un moment donné trouvent un stade, un palier, où ils trouvent le bien-être. S'ils trouvent le bien-être, après tout, notre but, à mon avis, le but est qu'ils arrivent à être stables, à ne pas être trop parasités par leur maladie. Et puis, si ce but-là, ils le trouvent au sein d'un ESAT et de ne pas vouloir en bouger, c'est respectable et il ne faut pas forcément aller les faire sauter une marche de plus, quoi. Sylvie Malroux, chef de service du foyer d'Aulmay. Depuis que je suis là, moi, depuis le 2010, on a une personne qui est repartie. À sa demande, qui a fait tout le chemin inverse en fait, qui est arrivé en appartement externe, il allait juste à l'ESAT. Après, ce monsieur avec des difficultés a été pris en charge sur les appartements avec un suivi du foyer et il est arrivé pour finir à être intégré sur le foyer, tellement c'était compliqué en appartement. Ce monsieur, un jour, a dit « moi je peux plus, quoi. J'ai fait le tour d'Aulmay et je peux plus, il faut que je rebondisse ». Et aujourd'hui, ce monsieur est en milieu ordinaire, il s'arrête de temps en temps quand il descend sur Aurillac, et il n'a plus de mesures de protection, il a un traitement, mais il travaille dans un resto sur Yonnès-Montagne, en toute autonomie. Il faut quand même avoir à l'esprit que nous, on a des gens quand même ici qui sont dans le même atelier, se retrouvent sur le même lieu de vie. Mangent ensemble. Enfin, en gros, à part les heures de sommeil qu'ils ont, ils sont constamment ensemble. Et des fois, avec des personnalités qui sont lourdes, qui peuvent être épuisantes pour l'environnement, qui peuvent être... Et ça, on a du mal à percevoir ça. C'est-à-dire que l'hébergement collectif, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la panacée, hein. On serait plus sur des petits appartements thérapeutiques avec des éducateurs référents dans les bâtiments pour l'accompagnement et tout. On continue à construire du collectif, je ne sais pas si ça correspond vraiment à la demande actuelle, quoi. Sylvie Malroux, est-ce que le foyer d'Aulmay est bien intégré dans la ville? Est-ce que les résidents du foyer sont bien acceptés dans Vic-sur-Serre? Et est-ce que il n'y a pas de conflit ou de sentiment de rejet? On est bien accepté, même si j'ai entendu dire par les anciens que souvent au village, on disait que c'était les fous, à Aulmay. Ben, c'est sûr, hein, quand vous avez 40 personnes qui sortent de psychiatrie du jour au lendemain, j'imagine que ça a dû faire peur. Non, aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. On a de bons contacts avec les commerçants qui n'hésitent pas à nous appeler dès qu'ils se rendent compte qu'il y a un de nos résidents qui va pas bien ou qui, on va dire, achète de l'alcool ou qui a un problème avec de l'argent ou quoi que ce soit. Non, non, ils savent nous contacter rapidement. Bon, là, j'ai 51 ans. J'aimerais bien maintenant en profiter un peu. Hein. C'est pas prêt hein, plus tard. J'ai un petit peu d'argent. Bon. Vous n'habitez pas dans le foyer d'Olmé. Vous avez un appartement à Vic-sur-Serre, c'est ça? Oui. Depuis quel moment? Ça fait 4 ans que je suis en appartement. Je me plais. Ça me permet souvent aussi de me reconstruire quand j'ai passé des journées difficiles à Olmé. Admettons que je ne trahis pas. Je sois toujours, toujours, toujours en appartement. Je pense que ça pourrait me lasser et ça pourrait être pas bon pour moi. Il faut une occupation. Et du coup, le soir, vraiment, je suis bien, je suis contente. Je m'occupe, je fais mon ménage, je regarde, j'écoute de la musique, je sais pas, rien de spécial, mais je tourne un peu en rond. Enfin, bon, je fais ma petite vie personnelle. Mais voilà. Est-ce que vous avez des contacts à Vic-sur-Serre, des amis, une famille peut-être qui est proche? Vous savez, quand on est comme ça, quand on apprend que cette personne est à l'hôpital, est handicapée, ou a fait de l'ostéo, ou voit un psy, ou prend un traitement, on est bon. Peut-être effectivement que les gens évitent ce genre de contact. Après, moi, je peux à Vic, me demander s'il y a des gens qui je côtoie un petit peu comme ça. Non, pas plus que ça. Moi, je vois les commerçants, ils discutent avec moi, ils sont sympas avec moi. Après, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre, à faire, même si on reste poli dans la vie. Moi, je suis d'accord pour qu'on respecte les gens. Après, moi, il y a plein de choses. Je me rends compte, je dis, putain, avec toutes ces années de maladie que t'as eues, Caroline, putain, encore, t'as encore ce problème, faut arrêter. Je pars comme ça, parce que j'ai un frère, Gilles, qui me parle comme ça beaucoup, qui aime bien me parler, qui me donnait beaucoup de conseils. Moi aussi, il faudrait lui en donner, hein, Gilles. Enfin bon, hein, c'est mon frère, je l'adore. Malheureusement, dans ces maladies, enfin la mienne, peut-être dans les autres, c'est qu'il y a toujours eu, vous allez bien, vous commencez par aller bien, allez hop, vous pouvez être sûr qu'une semaine, 3 semaines après, il y a un problème. On peut pas être un petit peu tranquille. Donc voilà, c'est ça, quoi, Peut-être que cet été, j'irai à la mer, je verrai ma famille, on ira se balader, on ira se promener, on ira, voilà quoi, on vivra un peu, faut bien vivre. C'était Médecine rurale dans le Cantal, travailler avec la maladie mentale. Avec Sébastien Gratalex, Sylvie Malroux, Laurent, Christian, Caroline, Patrick Lamouroux, Gaël, Alain Chauvet, Jacques Delprat, Cyril Perronnet, Alain Ricard, Pierre et Sylvie. Merci à tous les résidents et les éducateurs qui nous ont accueillis. Merci en particulier à Thierry Humbert, Jean-Michel Béraudy, Michel Nanté, Bruno Bonté, Michel G et François Richardot. Merci aussi à Bernard Biot et Jacques Bidot. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire d'Antoine Tricot et François Teste. Collection Mécanique du vivant, saison 2, Le requin. L'amoureux de la nature, Marc Mortelmans, vous raconte la place fondamentale des requins dans notre écosystème, de la surpêche qui menace leur fonction vitale pour les océans, au mystère de leur reproduction. Comment et pourquoi des animaux si résilients, si costauds, sont si désavantagés aujourd'hui? Mécanique du vivant, saison 2, Le requin. Un podcast de Marc Mortelmans, réalisé par Charlotte Roux sur franceculture.fr et l'appli Radio France, avec le Zooparc de Beauval et l'association Beauval Nature.